မနေ့ကဟုတ်လားမထေမြတ်ကိုလာပြီးတော့ပေးသွားတယ်မေးသွားတယ်ပေလိ15ချက်ပေလိ15ချက်က15ချက်က15ချက်တည်းကနေမနေ့ကတော့5ချက်လာအဲ့ဒါတော့ပြောခဲ့ပြီးပြီဘောလားတောင်ဖို့ဆိုတာဘယ်ရလဲမိဖို့ဆိုတာဘယ်ရလဲမိလျံနေထနေတယ်တောင်ဖို့ကြီးတွေ့တယ်တောင်ဖို့ကြီးဆိုတာဘယ်ရတော့ So yesterday, Searo said he is going to continue with the talk. So yesterday, we talked about what is the anthill and what is the meaning of emitting smoke at night, what is ejecting flames in the daytime, and who is the Brahmin teacher and who is the intelligent pupil. So we have talked about these five. Aujourd'hui, Sayadaw va poursuivre l'enseignement d'hier. Il a été question hier des énigmes et plus particulièrement des cinq premières énigmes. La grande fourmilière, le fait qu'elle fume la nuit, qu'elle flambe le jour, qui est le grand professeur, qui est l'élève exceptionnel. Sayadaw va répéter les réponses. Qu'est-ce que la fourmilière? La fourmilière symbolise le corps physique qui est fait de quatre grands éléments. Cette fourmilière fume la nuit. Que veut dire cette deuxième énigme? La nuit, les gens réfléchissent à ce qu'ils vont faire le lendemain. Ils font des plans, ils ont des projets, ils investiguent ce qu'ils vont exécuter, mettre en œuvre le lendemain. Donc ces investigations, ces réflexions qu'ils se font la nuit à propos de leurs projets constituent la deuxième énigme, la fourmilière qui fume la nuit. Il faut savoir également qu'il y a une fumée blanche et une fumée noire. Si les projets que vous élaborez la nuit, toutes les réflexions que vous vous faites, sont négatives, qu'elles s'enracinent dans le désir, l'aversion et l'ignorance, elles vont donner lieu à une fumée noire. Par contre, si toutes ces réflexions, ces projets, ces analyses portent sur des actions positives que vous allez effectuer le lendemain, il s'agira d'une fumée blanche. La troisième énigme, c'est donc le fait que la fourmilière émet des flammes le jour. Ceci veut dire que tout ce que vous avez élaboré comme projet, comme plan, toutes ces réflexions que vous vous êtes faites pendant la nuit, vous allez les mettre en application le lendemain. C'est la troisième énigme, la fourmilière qui émet des flammes le jour. Qui est le professeur émérite? C'est le Bouddha, l'illuminé. Et qui est l'élève exceptionnel? L'élève exceptionnel, ce sont les yogis, ceux qui pratiquent sila, la moralité, samadhi, la concentration et panya, la sagesse, qui pratiquent vipassana dans le but de développer la connaissance. Le Bouddha parle donc d'un élève exceptionnel, le yogi qui pratique les trois entraînements. Pour ce qui est de sila, vous avez pris 9 préceptes et vous les reprenez tous les jours. Votre sila est donc accompli. En ce moment, vous pratiquez vipassana et vous le faites pour développer la concentration. Lorsque vous aurez pratiqué pendant un certain temps, que votre pratique se sera développée, vous allez expérimenter et comprendre. Cette compréhension, c'est la sagesse. Vous suivez donc les recommandations du Bouddha, vous pratiquez sila, la moralité, vous pratiquez la concentration que vous développez par vipassana, et lorsqu'elle aura atteint un bon niveau, vous allez comprendre, vous allez acquérir la sagesse. Celui qui pratique donc sila, la moralité, qui pratique la concentration et qui après un certain temps développe la connaissance, celui-là, c'est l'élève exceptionnel. Lorsque vous aurez établi les bases de votre pratique, vous allez pratiquer les quatre établissements de l'attention. Vous devez savoir qu'il y a quatre façons de pratiquer l'attention. Quelles sont ces quatre façons de pratiquer l'attention? La première consiste à observer le corps physique. C'est Kayanupassana, la contemplation du corps. La deuxième façon, c'est de pratiquer la contemplation des ressentis, Vedananupassana. La troisième, c'est de contempler l'esprit, la conscience, Cittanupassana. Et la dernière façon de pratiquer l'attention, c'est de contempler les dhammas ou les objets mentaux, en pali, Dhammanupassana. Il y a donc quatre façons de développer l'attention ou de pratiquer l'attention. La contemplation du corps consiste à observer les mouvements de l'abdomen, le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Les instructions demandent que vous observiez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen dans leur entièreté. Vous devez observer ces deux mouvements du début à la fin. Et c'est ce que vous faites en ce moment. Nous devons observer le mouvement de soulèvement depuis son début jusqu'à sa fin. Et c'est la même chose pour le mouvement d'abaissement. Nous devons l'attraper dès son point de départ et maintenir notre attention très vigilante pendant toute la durée du processus en observant attentivement jusqu'à ce que le mouvement se termine. La respiration doit être naturelle et vous observez attentivement cette respiration que vous ne forcez pas. Si vous faites cela, on parle de Kayanupassana, la contemplation du corps. Et si vous devez faire des mouvements, vous devez les observer attentivement. Par exemple, vous étirez les membres, vous vous levez, vous vous déplacez. Toutes les activités corporelles font également partie de la contemplation du corps. Et lorsque vous pratiquez la marche et que vous observez le mouvement, vous pratiquez également la contemplation du corps, Kayanupassana. Et si vous en êtes arrivé à la méthode qui consiste à faire trois notes à chaque pas, vous allez observer attentivement le mouvement d'élévation du pied, le mouvement d'avancement du pied et le mouvement d'abaissement du pied. Vous observez toujours le corps physique, mais plus en détail. Kayanupassana, la contemplation du corps, peut donc se pratiquer non seulement en posture assise, mais également dans toutes les activités corporelles que vous serez amené à faire tout au long de la journée, y compris la marche attentive. Vous pratiquez donc en posture assise et en marche. Et si vous avez des pensées, des imaginations, des projets d'avenir ou quelque autre pensée qui apparaît dans votre esprit, vous devez noter pensée, pensée, que ce soit pendant l'assise ou pendant la marche. Pratiquer ainsi, c'est pratiquer Cittanupassana, la contemplation de l'esprit. Les méditants seront souvent envahis par toutes sortes de pensées. S'ils veulent s'en débarrasser, s'ils veulent qu'elles ne reviennent pas, ils doivent les noter. S'ils pratiquent ainsi, ils pratiquent la contemplation de l'esprit, Cittanupassana. Si vous réussissez à maintenir votre attention sur le mouvement de l'abdomen sans discontinuer, ces pensées vont progressivement diminuer. Vous devez donc vous efforcer de noter les pensées et de revenir chaque fois à l'abdomen et de recommencer à observer les mouvements de l'abdomen avec précision et sans interruption. Après s'être resté assis pendant un certain temps, il est probable que des sensations désagréables se manifestent dans votre corps. Vous ressentirez peut-être de la raideur, de la pression, de la chaleur. Toutes ces sensations doivent être notées. Vous notez engourdissement, pression, chaleur ou tout simplement désagréable, désagréable. Vous observez ainsi toutes les sensations que vous ressentez dans le corps, vous les notez avec précision. Si elles sont prédominantes et qu'elles le restent, vous dirigez votre attention vers cette sensation désagréable. Vous l'observez de façon très détaillée. Essayez de voir à quel endroit elle se situe. Essayez de voir de quel type de sensation il s'agit. Essayez de voir son comportement. S'intensifie-t-elle? Diminue-t-elle d'intensité? Change-t-elle? Se déplace-t-elle? Disparaît-elle? Vous observez ainsi très attentivement et lorsque ce ressenti désagréable a disparu, vous revenez au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Pratiquer ainsi, c'est pratiquer la contemplation des ressentis, Vedana Nupassana. Si vous avez des sensations de ce type, des sensations désagréables, vous devez les observer attentivement et en détail. Vous analysez cette sensation de façon très concentrée et pénétrante et vous le faites jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Une fois qu'elle a disparu, vous revenez au mouvement de l'abdomen. C'est donc ainsi que vous devez observer les ressentis désagréables. Essayez de le faire de façon très concentrée. Si vous ne notez pas ces ressentis désagréables de la façon qui vient d'être décrite, elles ne disparaîtront pas. Vous ne vous en débarrasserez pas. Vous devez donc les observer attentivement, de façon pénétrante, en voyant tous ces détails, et vous devez le faire jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Vous devrez faire preuve de patience pour cela. Vous devrez vous résoudre à ne pas bouger et à observer attentivement cette sensation désagréable, même si elle devient très intense. Observez jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Et si jamais elle ne devait pas disparaître et qu'elle devienne intolérable, vous êtes autorisé à changer, mais uniquement si elle est devenue intolérable. Faites donc preuve de beaucoup de patience au moment où il y a des douleurs. Dirigez votre attention vers cette sensation désagréable et observez-la attentivement le plus longtemps possible. Même si elle est très désagréable, faites un effort pour cela. Lorsque vous observez ainsi la sensation désagréable de façon pénétrante, vous devez essayer de ne pas avoir dans l'esprit l'espoir qu'elle disparaisse. Vous ne devez pas noter la sensation désagréable dans l'intention de la faire disparaître ou de la voir disparaître. Vous devez simplement observer attentivement tous les détails de cette sensation. Vous observez son emplacement, son comportement, de quel type de sensation il s'agit. Vous observez simplement dans le but de comprendre sa nature. C'est cet état d'esprit-là que vous devez essayer d'introduire en vous lorsque vous observez la sensation désagréable. Soyez simplement curieux de voir en quoi elle consiste réellement. Lorsqu'elle ne sera plus là, lorsque ce ressenti désagréable aura disparu, vous revenez au mouvement de l'abdomen. Et si la sensation désagréable est devenue intense au point que vous ne puissiez plus la supporter, vous allez changer de posture, mais vous devez le faire avec attention. Vous commencez par noter l'intention de changer de posture. C'est le processus mental. Vous notez intention de changer, intention de changer. Et ensuite seulement, vous observez le corps qui se met en mouvement. Mais si vous pouvez poursuivre votre observation attentive de ce ressenti désagréable, c'est mieux. Vous pourrez ainsi éviter de la faire revenir à l'avenir. Pendant la méditation, vous allez également entendre des sons, sentir des odeurs, voir des images, avoir des goûts dans la bouche, des touchés dans le corps et des objets mentaux. Si c'est le cas, vous devez noter tous ces objets également. Imaginons par exemple que vous entendiez un bruit, vous devez noter entendre, entendre. Si vous voyez quelque chose en imagination, vous devez noter voir, voir. Mais vous n'entrez pas dans les détails de cette vision, ni dans les détails de ce que vous entendez. Vous ne cherchez pas à reconnaître ces choses, à réfléchir à leur sujet, à vous impliquer. Vous notez simplement le processus en tant que tel, le processus de la vision, voir, le processus de l'audition, entendre, et c'est la même chose pour les 6 contacts sensoriels. Tout ce qui pénètre en vous par l'une ou l'autre des 6 portes sensorielles devra être noté de cette façon, sans vous investir. Vous ne faites que noter le processus lui-même. Pour ce qui est des sons, ne notez pas les sons qui se prolongent, les bruits de fond, ou qui se répètent très fréquemment. Comme par exemple le chant des oiseaux. Vous entendrez de temps à autre le chant des oiseaux. C'est quelque chose qui va se manifester très souvent tout au long de la journée. Ce genre de son, vous ne devez pas les noter. Et c'est la même chose pour les odeurs. Imaginons par exemple qu'il y ait dans le jardin un arbre qui sent bon. Cette odeur sera là toute la journée et ne s'arrêtera pas. Donc ce genre d'odeur-là, vous ne devez pas non plus la noter. Vous ne devez observer que les sons soudains. Imaginons par exemple que vous entendiez un bruit inhabituel. Vous devez noter ce bruit. Et vous devez vous en tenir au simple fait d'entendre. Vous observez simplement le processus de l'audition. Entendre est apparu. Ensuite, après avoir noté 4 ou 5 fois, vous revenez à l'abdomen. Et c'est la même chose pour les odeurs. Imaginons que vous sentiez une odeur. Vous devez en prendre conscience. Vous devez prendre conscience du processus qui consiste à sentir. Vous répétez mentalement « sentir, sentir ». Et de nouveau, vous ne cherchez pas à reconnaître cette odeur. Vous ne vous mettez pas à réfléchir à propos de cette odeur. Vous vous en tenez au simple fait de sentir. Après avoir noté ainsi 4 ou 5 fois « sentir, sentir », vous revenez au mouvement de l'abdomen. Cette façon de noter les contacts sensoriels s'appelle en pali Dhammanupassana. C'est la contemplation des dhammas. On dit aussi la contemplation des objets mentaux. Si vous appliquez cette qualité d'attention à tout ce qui se manifeste en vous à chaque instant, votre attention et votre concentration vont se développer. Cette qualité d'attention est appelée l'attention juste. Dès que quelque chose se manifeste en vous, vous devez en prendre conscience objectivement, de façon précise, à l'instant même où cette conscience apparaît. Et si vous procédez ainsi, vous allez développer l'attention juste. Vous développez l'attention juste, samasati, un des facteurs du noble octuple sentier. Si vous êtes capable de prendre conscience de tout ce qui se manifeste à l'intérieur de vous de cette façon, avec une attention pénétrante, vous devrez fournir un effort. Cet effort, c'est l'effort juste du noble octuple sentier, samavayama en pali. Si vous fournissez cet effort juste, et que vous appliquez donc l'attention juste à tout ce qui se manifeste à chaque instant à l'intérieur de vous, votre concentration va devenir puissante et cette concentration est appelée en pali Samma Samadhi, la concentration juste. Vous détenez alors Samavayama, l'effort juste, samasati, l'attention juste, et samasamadhi, la concentration juste. Ces trois facteurs sont regroupés dans la section appelée samadhi, la section centrale du noble octuple sentier. Lorsque donc vous notez les mouvements de l'abdomen, vous observez d'abord le mouvement de soulèvement et votre esprit se maintient sur ce soulèvement pendant toute la durée du processus. Lorsque vous notez ensuite l'abaissement, votre esprit se maintient sur l'abaissement pendant toute la durée du processus. Vous essayez de percevoir le mouvement, la sensation de mouvement, de même que la sensation grandissante de tension dans le ventre. Vous prenez alors conscience que cette tension, cette sensation de tension et cette sensation de mouvement, c'est l'élément air. Si vous observez ainsi, vous avez les vues justes, vous voyez correctement. Vous ne pensez pas que c'est quelqu'un qui inspire et qui en conséquence fait gonfler son abdomen. Non, vous voyez uniquement la sensation de mouvement et de tension grandissante. Samasankappa, c'est la pensée juste, vous voyez correctement le phénomène. Expérimenter la sensation de mouvement et comprendre que c'est l'élément air, c'est la compréhension juste, samadhiti. Samasankappa et samadhiti forme le groupe de Panya, la sagesse. En ce moment, vous avez pris les 9 préceptes et vous les reprenez tous les matins. Vous avez donc Sila, la moralité. Sila, la moralité, comprend 3 facteurs, la parole juste, Samavacha, l'action juste, Samakamanta, et les moyens d'existence juste, Samajiva. Vous avez donc ce premier groupe de l'octuple sentier, Sila. Le deuxième groupe du noble octuple sentier comprend 3 facteurs également. C'est l'effort juste, Samavayama, c'est l'attention juste, Samasati, et c'est la concentration juste, Samasamadhi. Ces 3 facteurs forment le groupe de Samadhi. Vous avez donc également le deuxième groupe. Quant au troisième groupe, celui de Panya, la sagesse, il comprend 2 parties, 2 facteurs, Samakamanta et Samadhiti, la pensée juste et les vues justes. Vous avez donc au total 3 groupes du noble octuple sentier, Sila, la moralité, Samadhi, la concentration, et Panya, la sagesse. Ces 8 facteurs de l'octuple sentier vont se manifester, seront présents en vous à chaque moment d'attention. Chaque fois que vous notez ne fût-ce qu'un seul mouvement de soulèvement de l'abdomen, ces 8 facteurs sont présents. Vous notez ne fût-ce qu'un seul mouvement d'abaissement, les 8 facteurs sont présents. Vous notez un seul mouvement des pieds lors de la marche, les 8 facteurs sont présents. Donc ces 8 facteurs de l'octuple sentier sont présents à chaque moment d'attention. Ceci veut dire que chaque fois qu'un objet d'attention va se présenter, vous avez une occasion de développer ces 8 facteurs. Et ce sont ces 8 mêmes facteurs du noble octuple sentier qui sont le chemin pour réaliser Nibbana. Donc ces 8 facteurs du noble octuple sentier sont le seul chemin pour réaliser Nibbana. Pour en revenir à cette énigme, qui est cet élève exceptionnel? Cet élève exceptionnel, c'est une personne qui pratique et qui développe les 8 facteurs du noble octuple sentier dans l'intention de réaliser Nibbana. Autrement dit, c'est un yogi qui pratique Vipassana. L'élève exceptionnel, c'est donc le yogi qui, comme vous, pratique et développe ces 8 facteurs du noble octuple sentier. Donc, le bon professeur symbolise le Bouddha et l'élève exceptionnel symbolise le yogi qui développe les facteurs du noble octuple sentier dans le but de réaliser Nibbana. Le bon professeur demanda alors à son élève exceptionnel de se munir d'une bêche pour creuser la fourmilière. La bêche symbolise la connaissance spirituelle supérieure. L'élève exceptionnel allait donc devoir creuser la fourmilière. Ceci veut dire qu'il faut creuser, investiguer avec cette connaissance noble du Dhamma. En d'autres termes, le méditant doit utiliser la connaissance vipassana, la sagesse. La noble connaissance spirituelle, la noble connaissance du Dhamma sera indispensable au méditant pour comprendre en quoi consiste réellement son corps, qui est symbolisé par la fourmilière. Le bon professeur avait demandé à son élève de se munir d'une bêche pour creuser la fourmilière. Autrement dit, il a demandé au méditant de se munir de la noble connaissance du Dhamma, de la sagesse, pour investiguer son propre corps. Il faut comprendre de la façon suivante. La bêche symbolise la sagesse, la connaissance noble du Dhamma. La fourmilière symbolise le corps. Le méditant devra donc investiguer son propre corps avec la bêche du Dhamma. Sayado nous a parlé précédemment des 32 parties du corps qu'il faudra investiguer. Parmi ces 32 parties du corps, les 20 premières appartiennent à l'élément terre et les 12 dernières appartiennent à l'élément eau. Si nous observons attentivement ces 32 parties du corps, nous allons réussir à expérimenter les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Vous allez observer attentivement le corps en vous basant sur les 4 satipatthanas, les 4 fondements de l'attention. Vous allez observer attentivement Rupa, la matière, le corps physique, et vous allez expérimenter les 4 grands éléments. Lorsque vous pratiquerez Vedana Nupassana, la contemplation des ressentis, vous expérimenterez d'autres choses. Lorsque vous observerez attentivement l'esprit, que vous pratiquerez Citta Nupassana et Dhamma Nupassana, vous allez encore expérimenter beaucoup de choses. En procédant ainsi, on peut dire que vous creusez la fourmilière au moyen de la sagesse supérieure. Vous utilisez cette bêche de la sagesse pour comprendre le corps. Vous creusez la fourmilière avec la bêche. Le méditant va utiliser la noble sagesse pour investiguer son propre corps, qu'il va comprendre de mieux en mieux. Et si vous creusez correctement, que vous investiguez correctement votre propre corps, vous allez progressivement éliminer les kilesas, les pollutions mentales. Mais si vous ne pratiquez pas sérieusement, ces impuretés mentales resteront en vous. Elles ne seront pas éliminées. Sayado vous encourage donc à faire de votre mieux pour noter sans interruption tout ce qui se manifeste à chaque instant. Si vous maintenez ainsi cette attention objective et précise, il est impossible que les kilesas pénètrent en vous. Il deviendra ainsi possible pour vous de maintenir ces kilesas, ces pollutions à distance, pendant la méditation assise, pendant la marche et pendant les activités quotidiennes. Essayez donc de maintenir votre attention pendant toute la journée le plus possible. Vous expérimenterez alors beaucoup plus de paix et de bonheur. May you be well and happy. May you be able to practice the insight meditation diligently as instructed in this sutta, and may you be attain the bliss of Nirvana. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu.